numéro du magazine a présenté des portraits de femmes nues. Playboy boucle la boucle donc avec Pamela Anderson, la plus célèbre playmate de toute l'histoire du Playboy. Elle fera la couverture donc du tout dernier numéro. C'est une des 14 couvertures et un 15e éditorial dans le magazine pour cette actrice canadienne de 48 ans, surtout connue pour son rôle de C.G. Parker dans la série Alerte à Malibu et plus récemment comme activiste pour l'organisme PETA. Un record. En entrevue avec ET, qui est un magazine, la pulpeuse pin-up a révélé que Hugh Hefner, le fondateur du magazine, ne voulait rien savoir d'avoir quelqu'un d'autre sur la couverture. C'était elle ou rien. Le numéro de janvier-février 2016, qui sera en kiosque dès le 11 décembre, inclura un éditorial photo de 12 pages par la photographe Ellen von Honvert et une entrevue menée par l'acteur et réalisateur James Franco, où Anderson avoue avoir vomi plusieurs fois lors de sa première séance photo pour le Playboy en 1989, pour laquelle elle portait un t-shirt de la Batte Bleue. En passant, à raison de sa timidité maladive. Elle est tellement timide, là, vraiment, elle se met à poil partout. Donc, mais à partir du moment où j'ai vu les photos, c'était difficile de garder mes vêtements, a-t-elle ajouté. Playboy, avait annoncé en octobre dernier sa décision de ne plus montrer des femmes nues dans les pages de son magazine, moins d'un an après avoir complètement banni la nudité de son site web ainsi que de son application. Le directeur des contenus du magazine, Corey Jones, avait alors justifié ce virage inattendu en disant que la banalisation du sexe et de la pornographie sur Internet avait forcé le magazine à revoir son identité. Maintenant, vous êtes à un clic de n'importe quel acte sexuel inimaginable et imaginable. C'est ce qu'il expliquait. Donc, c'est ce qui fait que ce qu'on fait est devenu de l'histoire ancienne. Hein? Il disait ça un peu comme ça. Une décision qui semble avoir profité au magazine, qui dit avoir quadruplé sa fréquentation, passant de 4 à 16 millions de visiteurs uniques par mois. Les gens veulent du sexy, du coquin, mais ils veulent pas tout voir. C'est un peu ça qu'on peut comprendre. Tiens, ici, parlons de nostalgie. Cadeau de Noël pour enfants des années 80. Ben oui, ou des années... Parce que moi, je suis des années 70, mais j'ai grandi dans les années 80. Alors, ce sont tous des jouets que j'ai eus, ou presque, ou en tout cas, sinon, mon cousin, ma sœur ou un ami l'avait, bien entendu. Donc, au cours des années 80, les enfants rêvaient de leurs cadeaux en feuilletant les catalogues Sears. Et puis, on devenait aussi un homme en feuilletant les catalogues Sears, je vous le dis. Oh non, non, oh que non, on n'avait pas l'Internet pour aller apprendre beaucoup sur l'anatomie féminine ou masculine, peu importe. Donc, on feuilletait le catalogue Sears avec une main ou à deux, et surtout pour les bébelles, c'était le distribution aux consommateurs, ou comme RBO le disait, c'était quoi? Attends, c'était comment non? Comment qu'il appelait ça? Aux contributeurs. Contribution aux contributeurs ou distribution aux contributeurs, quelque chose du genre. Donc, pendant des heures, nous parcourions les pages de ce livret sacré pour encercler les items que nous voulions recevoir le 25 décembre. Et oui, je l'ai fait. Là, moi, je vous envoie immédiatement, avant même de commencer la liste, je vous envoie, moi, le jeu qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, à part les Lego, là, mais tu sais, ça, c'est comme un classique, là. Mais c'était Bing Bang rentre dedans, tant pis pour les prudents. C'était vraiment deux autos sur un step, ça se rentrait dedans, puis ils se défaisaient en morceaux. La publicité était merveilleuse. Mais en tout cas, ça, c'est pour mes souvenirs. Peut-être qu'ils vont en parler dedans, je le sais pas, mais je commence ici avec 50 cadeaux du passé pour faire saliver la génération passe-partout. Hein? Ben oui, à l'époque, non, on n'avait pas Xbox One, on n'avait pas PS4, mais on avait un Atari 2600, le parfait Video Computer System, vraiment tout équipé, le 2600. Autre truc, ça, mon chum, il en avait un, Alexandro, il avait ça, un Armatron, c'était un bras robotisé. Il me semble qu'il y en avait un, Alex, hein? Un Armatron robotisé gris, ça vous dit quelque chose, c'est sûr. On a tous eu un BMX en écoutant le gang des BMX, puis on jouait avec nos petites autos. Par contre, la pochette qu'on nous montre ici, c'est des petites autos au hasard, là. C'est des petites autos genre no-name qui viennent du magasin de pièces. Nous, on voulait des Matchbox, ou les autres, c'était Hot Wheels. Si c'était pas du Matchbox ou du Hot Wheel, ben garde-la ton auto parce qu'elle était ben trop cheap. Oh, ça c'est un cadeau que j'aimerais encore avoir aujourd'hui et c'était à la mode. C'était le fameux Keytar. Hein? Le Keytar, c'est quoi? La guitare piano, bon, là, ça vous dit plus quelque chose. Le fameux X-Wing de Luke Skywalker, des talkie-walkie. Mais on appelait ça des walkie-talkie, par exemple. Nous autres, c'est le seul problème. Ici, ils l'ont appelé, comme les Français le disent, des talkie-walkie. Non, non, c'était des walkie-talkie qu'on avait quand on était jeunes. On avait aussi des figurines G.I. Joe. Hippo-glouton. Non, non, c'était Hippo la famille. C'était pas Hippo-glouton. C'est trop français, là. Pourtant, l'article vient d'un site québécois. Le fameux Nintendo NES, le NES, le Nintendo Entertainment System, le fameux Faucon Millennium, un camion téléguidé avec un fil, hein, pour être sûr. Des sabres laser gonflables. Je m'excuse, mais j'ai jamais eu ça de ma vie, des sabres laser gonflables. Ghetto Blaster, par contre, ça, j'en ai eu un même, je pense, le jour de ma confirmation. Parce que dans le temps, on allait à l'église, puis on avait des sacrements comme ça à passer. Ben oui, ça, c'était trop malade. J'ai déjà eu ça. Moi, j'avais un 250-in-1, des kits de montage électronique. C'était vraiment tous des petits springs, puis des petits circuits, puis des petites affaires. T'avais un livre, là... Puis là, t'associais, oups, t'as un ViewMate, puis t'avais une résistance ici, puis là, tu pluguais ça avec ton petit écran digital, puis un petit speaker, puis là, tu peux faire un petit système d'alarme ou un petit radar ou n'importe quoi. C'était des projets d'expérience d'électronique. Ben oui, parce que dans le temps, on jouait avec nos mains. Hein? On jouait pas juste à glisser nos doigts sur des écrans tactiles. On était capable de manipuler les choses en 3D. Ben oui, les humains de nos jours, ils savent plus comment. Un kit de chimie dans la même affaire. Aujourd'hui, t'aurais plus le droit d'aller faire un kit de chimie ou t'aurais le droit d'en avoir, mais faudrait que tu passes un examen avant de l'avoir. Puis il y aurait tous les produits intéressants et qui fait des réactions, il y en aurait pas dedans parce que faut faire attention de nos jours à tout. Hein? On est vraiment dans une bulle en plastique avec un casque puis tout le reste. Ah, ça, c'était merveilleux. Tout le monde voulait aussi une montre calculatrice. Casio, souvent, pour ne pas le nommer, hein, c'était Casio qui faisait ça. Un aquaplay. C'était un genre de bulle. Ça, on se rappelle, c'était un piton, OK? C'était un genre de bocal d'eau, là, avec le piton. Ça faisait de l'air, puis c'était un genre de jeu un peu style arcade, là, mais c'était à l'eau. Il n'y a pas de batterie là-dedans. C'était très, très archaïque, c'est le cas de le dire. Le Tommy Turbo Dashboard. Moi, j'avais pas lui, mais j'avais l'autre. C'était des volants. Hein? Pour apprendre à... Mais pas apprendre, c'était pour jouer. C'était comme un jeu de conduite d'auto, là. Mais dans le fond, l'auto était pognée dans un plastique. Quand tu tournais le volant, l'auto tournait dans l'écran, puis c'était comme le derrière de l'écran qui avançait. On était vraiment au balbutiement des jeux vidéo, là. C'était magnifique. Le tourne-disque pour enfants, mais tout le monde en a eu. Battleship. Et puis, il était pas électronique. Nous autres, c'était un vrai Battleship. Le fameux Viewmaster, le cube Rubik, le Light Bright, le vrai Light Bright, les patins à roulettes, le jeu Wayne Gretzky de hockey. Savez-vous quoi? Je l'ai déjà eu, puis il était extraordinaire, ce jeu-là. Il était vraiment bon. Wayne Gretzky, c'était un peu style air hockey, là, mais minuscule pour un jeu de table. Le jeu de risque, Alf, c'est un peu plus tard. Ça, j'avais des amis qui ont eu ça. Le Snoopy Snow Cone Machine, hein, pour se faire des cornets de crème glacée Snoopy. Un Merlin. Ça, j'ai-tu passé des heures là-dedans. Merlin, en plus, avait à peu près 4 ou 6 batteries AA là-dedans. Ça bouffait de la batterie. C'était un genre de téléphone. Ça ressemblait à un téléphone. Et puis, t'avais des jeux là-dedans, genre tic-tac-toe, des jeux de couleurs, des jeux de mémoire. Le fameux Big Wheel, un spirographe. Hein, pour ceux qui ne savaient pas dessiner, ben, on pouvait faire enfin des formes psychédéliques avec le spirographe. Puis ça, tous ces objets-là que je vous parle avaient des publicités télé magnifique, hein, parce que dans le temps, on avait le droit de faire de la pub télé pour les enfants. On avait le droit d'essayer de vendre du stock aux enfants. À cette heure, ben, de toute façon, on n'a plus besoin de le faire. Les enfants l'achètent avec votre carte de crédit sur Internet. Le Slinky. Ah oui, le Hibou, le petit professeur. C'était une calculatrice, puis il parlait en plus. C'était pour t'apprendre à faire des mathématiques. Le Slinky. On se rappelle du Slinky. J'ai besoin d'expliquer c'est quoi un Slinky. Le Slinky. La Play-Doh, la pâte à modeler, les Calinours. Ben oui, on les appelait Calinours, c'était pas les bisounours dans le temps, c'était les vrais Calinours. La petite pouliche, ma petite pouliche. Figurine Goldorak, jouet Goldorak, Transformer, mais des vrais Transformers, là. Pas ceux qui se cassent en deux dès que tu y touches. Ah oui, le Etch and Sketch. Ça, c'est ceux qui savent pas c'est quoi. C'était une genre de... C'est une tablette, finalement, c'est un iPad. C'est l'ancêtre du iPad, tout simplement, le Magic Etch and Sketch. Deux boutons d'un coin. Et puis, on pouvait dessiner avec un genre de... sur du sel ou du sable. Là, je me rappelle plus trop c'était quoi à l'intérieur, mais on brassait ça, ça l'effaçait tout. Mais des fois, si t'avais laissé un dessin longtemps, il restait marqué dans la fenêtre. Là. Un peu comme si tu laisses toujours ta page la même chose sur ton écran d'ordi. Là. Donc, le Magic Etch and Sketch. Freezynet. Ben oui, Freezynet, c'est des petites poupées. Puis en plus, elles sentaient bonnes. Les figurines de Schtroumpf, à chaque fois qu'on allait au centre d'achat, au centre du hobby, à Trois-Rivières, je demandais à ma mère qu'elle m'achète une figurine de Schtroumpf. J'en avais une méchante gang. Puis ça valait cher. C'était 5-6 piastres, la figurine, même à cette époque. La dictée magique, le speak to spell, un peu comme le professeur Hibou de tantôt, ben c'était un peu pour nous apprendre à lire, à parler, à épeler, etc. Vraiment intéressant. Le Commodore 64, oh que oui! Moi, j'ai pas eu de Commodore 64, mais tous mes chums en avaient. Moi, c'était plutôt le type TRS-80, mais j'étais autant équipé là avec tout le kit, le lecteur cassette, et puis tout le gros kit. Hey, ça, j'en ai revu v'là vraiment pas longtemps. Mon chum Veillette, il y en avait les douillettes puis les draps de Star Wars, hein? Sinon, ça, c'était tulette, les poupées bout de chou. Le Pac-Man portatif, ou bien le Donkey Kong portatif, toutes les petites genres de mini-arcades de bureau, ça coûtait les yeux de la tête, puis c'était vraiment assez ordinaire. Sinon, les robots Tommy, il y en a eu plusieurs. Moi, j'en ai eu un petit qui passait l'aspirateur sur mon bureau. C'était des petits robots qui faisaient pas grand-chose, mais qui étaient vraiment intéressants, et c'était pour nous montrer qu'on on arrivait dans une ère du futur, dans une ère spatiale. Tantôt, je vous en ai parlé, les Transformers, le chandail de Wayne Gretzky, le fameux Walkman. Celui qu'on nous montre, je trouve pas que c'est le classique, mais le vrai Walkman jaune, pas avec du... parce que lui, il y a du numérique dessus. Non, non, non. Le vrai Walkman jaune en plastique pour aller sur le bord de la plage, anti-dégâts, etc. Ça, c'était un must à avoir. C'était... jouet de nostalgie pour vous qui venez peut-être des années 80 ou 70. Mais ce sont des bébelles qu'on a tous vues passer si vous étiez pas nés hier. Peut-être que tantôt, je vous ferai 38 jouets pour ceux qui ont grandi plutôt dans les années 90. Alors peut-être qu'on va aller rejoindre des gens un peu plus jeunes avec cet article. Sinon, je vous parle ici de trois logements d'Habitat 67 qui sont à vendre à Montréal. Conçus au milieu des années 60 par l'architecte Moshus Safdi, l'ensemble de logements d'Habitat 67, pardon, situé cité du Havre au sud du Vieux-Port, a été construit dans le cadre justement d'Expo 67. On voit tout de suite la logique, hein? C'était Habitat 67. Donc, je vous invite à découvrir ici trois appartements qui sont présentement à vendre à Expo 67. Sérieusement, c'est des appartes à avoir. Puis, ça vous met dans un endroit vraiment... tu sais, vous allez avoir devant vous sur vos votre galerie ou dans vos fenêtres vraiment une vue skyline de la ville de Montréal. C'est vraiment des vues très très typiques de Montréal. Le premier appartement, c'est l'appartement 644, seulement en vente à la modique prix de 549 000 $. Vraiment très très déco, très design, très aéré. Sérieusement, genre d'appart à avoir à Montréal pour vrai là. Et on n'est pas dans le plein centre-ville, tout en étant en plein dans la ville quand même. Tu sais, j'en sens vraiment pas loin de rien. On est vraiment au centre. La cuisine, tout en inox, vraiment très, très moderne. L'autre appart, on peut-tu le voir? Appart 611, celui-là. Modique somme de 550 000 $. C'est la même chose, même prix à peu près. Ça y ressemble. C'est plus boisé, plus chaud, un peu moins éclairé. Tu vois qu'avec le temps, tu sais, ça fait quand même depuis 67 que c'est fait, les gens ont mis leur appartement au goût du jour, donc on se retrouve pas avec un appartement identique à celui du voisin. Vraiment, un goût de luxe ici, une chambre des maîtres magnifique avec un superbe bain, vraiment à voir, la douche, immense douche avec des jets qui partent de partout, extraordinaire. Et finalement, le plus cher de la gang, c'est l'appartement 518. Celui-là est en vente au petit prix de 695 000 $. Il me semble plus vaste. Par contre, moi, je pense que les appartes étaient pas mal d'une même grandeur. Beaucoup de bois noble, des boiseries, de salles de bain hyper modernes. Par contre, la chambre à coucher en genre de... en parquetterie, plus classique cette fois-ci avec des belles couleurs de bois. Vous pouvez consulter les fiches immobilières via le lien sur la page Facebook du Dîner de cons. Tiens, on change de sujet. Un astronaute britannique qui va courir le marathon de Londres dans l'espace. Donc, l'astronaute britannique Tim Peake a annoncé vendredi qu'il allait participer au prochain marathon de Londres. Jusque-là, ben, il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire là-dedans, sauf que quoi? Parcourir 42 kilomètres d'habitude, .195. OK, ça marchait pas, là. Parce que je sais qu'un marathon, d'habitude, me semble, c'est 40 kilomètres, mais là, on nous dit que c'est 42,195 mètres. Donc, dès qu'on m'a confié la mission d'aller sur l'ISS, je me disais que ce serait génial de courir le marathon de Londres à bord de cette station spatiale. C'est un événement planétaire. Amenons-la au-delà des frontières de ce monde. C'est ce qu'a souligné l'ancien pilote d'essai d'hélicoptère qui est âgé de 43 ans. Tim Peake doit décoller le 15 décembre du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à bord d'un vaisseau spatial russe Soyouz pour une mission de 6 mois sur l'ISS. Il est le deuxième Britannique dans l'espace après Helen Sharman en 91. Courir le marathon lui permet de joindre l'utile au spectaculaire puisque l'exercice physique est essentiel pour lutter contre les effets négatifs de l'impesanteur sur les muscles ainsi que sur les os. Major Tim va s'élancer donc le dimanche 24 avril en même temps que les 37 000 participants sur Terre. Il va donc courir les 42,195 km, harnacher un tapis de course et sera virtuellement immergé dans le marathon grâce à un écran posé devant lui. Depuis cette année, le Marathon de Londres offre la possibilité de participer à l'épreuve depuis un tapis de course grâce à des avatars en réalité augmentée placés sur le parcours filmé au préalable. Je vais pouvoir me voir courir dans les rues de Londres tout en orbitant autour de la Terre à la vitesse de 27 000 km/h. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué Tim Peake qui représente l'Agence spatiale européenne ESA sur cette dernière mission. Marathonien confirmé, Peake avait terminé Londres en 1999 dans un excellent temps de 3h18 minutes et 50 secondes. Je ne pense pas que je pourrais battre ce record à bord de l'ISIS. Le système de harnais représente une grosse contrainte. Je flotterai en impesanteur et si je n'étais pas attaché au tapis de course, je vais devoir porter une sorte de sac à dos lesté qui pourra, au bout de 40 minutes, commencer à devenir très inconfortable. L'objectif personnel de cet ambassadeur de l'association caritative de Prince Trust reste cependant ambitieux puisqu'il compte parcourir la distance en un temps entre 3h30 et 4h. Il avait fait son vrai marathon en 3h18. En 2007, l'Américaine Sunita Lynn Williams avait couru l'équivalent du marathon de Boston en 4h et 24 minutes à bord de l'ISS. On verra s'ils vont être capables de faire une meilleure performance. Ici, tentative de meurtre sur Lily, la cochonne. Le suspect passe aux aveux. Ça se passe à Mont-Tremblant. Le service de police de la ville de Mont-Tremblant dans les Laurentides a procédé à l'arrestation d'un suspect plus tôt cette semaine dans le dossier de Lily, le petit cochon vietnamien tiré il y a 2 semaines. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été rencontré par les enquêteurs puis finalement a fait une admission par écrit. C'est ce qu'a confirmé à TVANouvelle.ca le porte-parole du corps policier, Eric Cadotte. Le suspect connu de la police a été libéré sous promesse de comparaître avec la condition de ne pas s'approcher à moins de 200 mètres du terrain de la plaignante dans ce dossier. Le jeune homme pourrait être accusé de cruauté animale et de non-respect des conditions car il a été visé par une interdiction de posséder une arme à feu et il devrait comparaître dans le 2 mars prochain au palais de justice de Saint-Jérôme. Pour sa part, la propriétaire de Lily, Karine Hull, affirme être très contente du dénouement de cette histoire. C'est un soulagement, a-t-elle laissé tomber. Il semble que malgré le triste événement, Lily se porte très bien. Aujourd'hui, l'animal devra subir une opération la semaine prochaine pour retirer quelques plombs, mais les autres ne seront pas enlevés. Même si elle estime que ce qui s'est passé est impardonnable, Karine Hull croit que le jeune homme a été dompté. Parce qu'il est arrivé, il a été dompté. Ouf, assez particulier. J'avais pas suivi cette histoire-là ben en détail, mais je suis assez surpris du dénouement. En tout cas, puis je suis assez surpris qu'on en parle tant que ça et que ça fasse vraiment les choux gras des réseaux sociaux. Ce gars qui vole en wingsuit incroyablement près du sol, c'est sûr qu'il va vous donner le vertige. C'est une vidéo à voir ou pas, tout dépendant votre degré de vertige, justement. L'adepte de sensations fortes Brandon Mike

comme Sophia pour les filles et Jackson pour les garçons, eh bien, l'étude démontre qu'un nombre croissant de prénoms de filtres Instagram, la célèbre application de partage de photos et de vidéos sur mobile, ces filtres permettent aux Instagrammeurs, les utilisateurs d'Instagram, de retoucher leurs photos en jouant sur un aspect visuel en lui donnant de nouvelles tonalités. Ainsi, les prénoms Ludwig, Juno, Amaro, Valencia, Moon, Lark ou encore Haden ont tous enregistré une forte hausse de popularité entre 2014 et 2015. Mais la progression la plus fulgurante est celle de Luxe, dont l'utilisation est en hausse de 75%. Précisons toutefois qu'il ne s'agit là pas d'un filtre Instagram, mais du nom d'un outil permettant de régler la luminosité d'une photo. Mais oui, c'est le Luxe, justement. Quand même intéressant de voir hein, comment la technologie influence plus qu'on pense. Nostradamus aurait-il prédit l'ascension de Daesh? Eh bien, certains passionnés de Nostradamus pensent que Daesh serait un troisième antéchrist allant faire plonger le monde dans une troisième guerre mondiale de 27 ans. Donc, certains chercheurs et passionnés de Nostradamus voient dans l'une de ses prophéties rédigées au 16e siècle qui nous dit... Le présage de l'ascension actuelle du groupe Daesh, ça nous prédit ça. Selon eux, il pourrait s'agir du troisième antéchrist évoqué par l'astrologue. Donc, Michel de Notre-Dame, ou dit Nostradamus, qui est un astrologue et homme de science français connu dans le monde entier pour ses prophéties appelées les centuries, hein, ou les quatrains, les centaures. Certains pensent qu'il a prédit avec précision la montée du pouvoir de Napoléon ainsi que de Hitler. Selon eux, ils seraient les deux premières apparitions d'une série de trois antéchrists. Nostradamus connaît actuellement un récent regain d'intérêt, comme en témoigne un article paru le dimanche 6 décembre sur le site du quotidien britannique, le Daily Express. Et cela car l'une de ses prophéties l'une de ses prophéties aurait mentionné l'arrivée d'un troisième et final antéchrist encore plus hideux que les deux précédents combinés. Cette entité malfaisante plongerait alors la planète Terre, oui, dans une troisième guerre mondiale qui durerait plus de 27 ans. Le Daily Express souligne que plusieurs chercheurs sont persuadés que ce troisième antéchrist n'est nul autre que Daesh. Le journal, qui se base sur le site web d'un spécialiste de Nostradamus du nom de Benoît Dantrimont, mentionne cette troublante prophétie qui mettra en garde contre les événements actuels en Irak et en Syrie. Voici retranscrite en français du 16e siècle cette prophétie. Donc, il entrera vilain, méchant, infâme, tyrannisant la Mésopotamie, tous amis adultérine d'âme, ok. Terre horrible noire de physionomie. Traduite dans un langage plus contemporain, celle-ci donnerait approximativement le personnage vilain, méchant et infâme entrera dans la Mésopotamie en tyrannisant et ils seront tous amis avec la République adultérine, si bien qu'on aura un horrible personnage de physionomie noire sur Terre. Ce quatrain a en effet de quoi troubler. Tantôt, j'en parlais des quatrains. La géographie de la Mésopotamie correspond précisément au territoire occupé par Daesh au Moyen-Orient et la physionomie noire évoquée dans le texte fait irrésistiblement penser au drapeau noir du groupe djihadiste. Mais comme le souligne le Daily Express, le texte est encore très vague et peut être ainsi soumis à diverses interprétations. Dans le passé, le vilain de l'étrange formule a ainsi d'ailleurs été attribué successivement à l'Ayatollah Khomeini et plus récemment à Saddam Hussein ainsi qu'à Oussama Ben Laden. Mais là, si on prend ça, c'est une guerre de 27 ans, OK, qui ont dit. Mais si on accroche ça, ce vilain-là, plutôt justement à Ayatollah Khomeini ou à Saddam Hussein, et puis on calcule les années, peut-être qu'il nous resterait moins d'années encore pour cette troisième guerre mondiale qui, peut-être selon Nostradamus, ça serait déjà, on est déjà en guerre mondiale en passant. Tu sais, les gens disent, c'est-tu une troisième? Oui, c'est une guerre mondiale en ce moment. Hein? Faut pas se le cacher, là. Il y a une guerre vraiment entre l'Orient et l'Occident. C'est presque une guerre sainte, là, tout ça. Une guerre de morale, une guerre de pensée vraiment très, très tranchée, très, très paradoxale d'un bord ou de l'autre. Très, très polarisée, c'est ce que je cherchais. En tout cas, un article bien intéressant ici. À Pau, Pau, ça, c'est en France, ça, à Pau, oui, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Un chat déclenche une bagarre générale. Donc, lors d'une fête de famille vendredi soir à Pau, eh bien, l'un des participants n'a pas supporté que son beau-frère fasse descendre le chat de la table. Réunis pour fêter l'anniversaire d'une jeune fille, cette famille se souviendra longtemps de cette soirée. Au cours de celle-ci, le chat de la maisonnée, qui avait monté sur la table, eh bien, le père de la jeune fille le fait alors descendre, mais cela n'a pas du tout plu à l'oncle de cette dernière, invité pour festoyer. Il frappe alors violemment le père. La mère intervient, mais il la gifle. Une bagarre générale éclate et la grand-mère se prend également un coup et finit avec un œil poché. La nièce se lance à son tour dans la bataille familiale et se retrouve avec une bouteille fracassée sur la tête, jetée par l'oncle hors de lui. Le crâne légèrement entaillé lui vaut un jour d'incapacité temporaire au travail. Les pompiers sont intervenus pour mettre fin à la fête, ouais, faut le dire vite, et ont conduit l'élément perturbateur au poste. Âgé de 57 ans, l'oncle, à l'origine de l'altercation, a fini en cellule de dégrisement où son taux d'alcoolémie a pu être établi à 1,28 g par litre de sang. Cette famille réside dans le centre de Pau, près du tribunal. C'est ce que précise le journal Sud-Ouest. Peut-être y retrouvera-t-elle son oncle si elle se décide à porter plainte. Disons qu'une famille comme ça, pas tant, hein? Moi, je pense que je laisserais passer quelques parties de famille. Deux enfants parcourent 35 km en voiture pour secourir leurs parents. Deux enfants australiens âgés de 12 et 13 ans ont conduit un véhicule sur 35 km afin de trouver de l'aide pour sauver leurs parents piégés au fond de la fosse septique de leur propriété. Ça sentait la marde. Malgré leur effort, leur initiative n'a pas permis de sauver son père. Hein? OK, ça c'est triste, là. Je pensais que c'était du niaisage pour vrai, là. OK. Non, mais pour vrai. Samedi, alors que ce dernier est en train d'installer une pompe à eau au fond de la fosse septique de leur propriété de Whale Morangle en Nouvelle-Galles du Sud, il s'est évanoui et est décédé au suite des inhalations des gaz émanant du puits. Il avait seulement 29 ans. Très, très jeune, le jeune homme. 29 ans, puis ses deux enfants, 12 et 13. Quand même, il a eu ses enfants très, très jeunes. Son épouse, elle, âgée de 28 ans et mère des deux enfants, a alors essayé de secourir. Mais la corde qui avait été installée pour descendre au fond de la fosse s'est rompue et elle a fait une chute de plus de 30 mètres. La police locale... 30 mètres, c'est 90 pieds. C'est tout un puits, les histoires. Hein? La police locale a indiqué que les deux jeunes enfants désespérés ont alors pris le véhicule de la famille et l'ont conduit pendant 35 km jusqu'à la route la plus proche et ils ont pu prévenir un conducteur qui a appelé alors les secours. Ça n'a pas été plus facile d'appeler directement les secours. Tout le monde a des téléphones à cette heure, non? Je sais pas. L'officier James Stewart a déclaré aux médias australiens que ce tragique événement prouve la capacité de débrouillardise des personnes vivant dans le bush, qui sont ces étendues de forêt de broussailles propres à l'Australie. Leur propriété est immense. Aussi, les enfants ont appris à conduire depuis leur plus jeune âge. Rien d'étonnant à ce qu'ils ont été capables de déplacer le véhicule sur 35 km pour trouver de l'aide. C'est ce qu'il a précisé. Effectivement, hein, sur une ferme, tu fais chauffer les quatre roues, puis les tracteurs, puis les pick-up aux enfants, même quand, dès qu'ils sont capables, dès qu'ils sont assez grands. La raison pour laquelle les enfants n'ont pas appelé directement les secours s'explique par le fait que leur propriété est très éloignée des localités les plus proches et surtout par leur très grand état de panique. Ils voulaient surtout agir le plus rapidement possible pour trouver des gens capables de venir sur place les aider. Leur mère a pu être secourue et conduite à l'hôpital en état de choc. Elle souffre d'une intoxication au monoxyde de carbone. Son état est jugé sérieux par les médecins et sa convalescence, oui, devrait être longue. La police a déclaré qu'elle ne jugeait pas le tragique accident comme suspect, mais a précisé qu'elle établirait un rapport d'accident. C'est clair. Donc, histoire semi-triste, semi-joyeuse, dans le sens que oui, la mère a été sauvée, mais le père, lui, ben, il est mort. Et puis ça, c'est bien triste, mais quand même, grâce aux enfants, ben, on réussit à s'en sortir quand même. Celle-là, c'est la vidéo, je vous le dis, c'est la plus haute des vidéos que j'ai vues depuis longtemps. C'est vraiment du n'importe quoi. J'ai vraiment ri comme un con là, devant mon ordinateur. Vous allez voir le titre, c'est un catcheur, ou si vous aimez mieux, hein, dans notre langage du Québec, un lutteur, la vraie lutte, là, la vraie lutte, là, quand que je vous dis vrai, j'ai des gros guillemets, là. Pas de la lutte gréco-romaine, la lutte WWF avec Hulk Hogan style. Là. Donc, un catcheur utilise son pénis pour combattre son adversaire. Le catcheur Joey Ryan, eh bien, a une une prise secrète. Il utilise son pénis pour mettre KO son adversaire. Oui, oui, c'est vrai. Dan Shoku Dino pensait avoir pris le dessus sur son opposant en lui attrapant les parties intimes. C'est sans compter sur le talent caché de Joey Ryan. Ce catcheur a en effet renversé la situation grâce à son pénis, oui. Son membre surpuissant lui a en effet permis de mettre à genoux le combattant puis de le mettre à terre dans une action aussi spectaculaire que surprenante. Sérieux, c'est la vidéo la plus what the fuck depuis longtemps. C'est tellement drôle. C'est vraiment ça, là. T'as le, je vous le dis dans mes mots, là. T'as le, l'adversaire qui est là. Il pogne vraiment l'engin. Là. Il pogne le paquet comme faut. Il tient le pénis solidement. L'autre fait comme un... T'sais, un peu comme le geste que Hulk, là, quand il serre les bras puis qu'il fait ses gros bras forts. Là. Juste faire ça, ça donne comme un choc électrique dans la main de l'adversaire par le biais de son pénis. Et puis le gars fait juste se donner un genre de coup de hanche. Et puis l'adversaire se met à virer dans les airs. Je vous le dis, un homme puissant. Allez voir ça. C'est d'une drôleté, une drôleté extraordinaire. Vraiment très, très génial. J'aime ce genre de nouvelles complètement ridicules. Là, je vois que l'heure avance, mais je pense que je vais vous faire quelques nouvelles avant de laisser place aux filles des délirantes tantôt. Fait que, au lieu d'aller en musique tout de suite, on va se faire quelques nouvelles et puis je vais laisser la place à la musique pour accueillir les jeunes femmes qui s'en viennent animer leur émission. Donc, ici, tiens, parlant de jeunes femmes, une dame licenciée car jugée trop sexy quand elle se transforme en DJ. Qu'est-ce qu'il y a de mal, OK, à être sexy quand on est DJ? Moi, c'est ça, me semble, ça serait plutôt le contraire. Ça fait, ça fait monter la température de l'ambiance, hein? Eleonora fait tourner des disques et aussi les têtes. C'est une Russe qui travaille au sein du service administratif de Saint-Pétersbourg qui vient de se faire licencier parce qu'elle est trop sexy, selon son avocat. Ses patrons n'auraient en effet pas apprécié le shooting fait en dehors de ses heures de travail, car une fois la nuit tombée, Eleonora Vertsbitskaya enlève ses habits de working girl pour revêtir ceux très légers de DJ Ellis Sexton. Des talents qu'elle exerce dans des boîtes de nuit russes et même européennes qu'elle n'hésite pas à mettre en avant sur son compte Instagram. Mais à voir sa publicité, je pense qu'elle va se trouver du boulot comme DJ, tout simplement. Allez voir ça. Vraiment très, très, très, très, très, très, très, très charmante. Donc, un constat qui, d'après l'avocat d'Eleonora, n'est rien d'une excuse. Selon la loi russe, elle n'a rien fait de mal, estime Maxime Yushin. Cette affaire est plus une question de morale. Et le défenseur de rappeler que sa cliente ne s'est jamais habillée de façon inappropriée sur son lieu de travail. Reste à savoir si son entreprise va accepter qu'elle continue de faire sa tournée sexy des boîtes. Je vous invite à aller voir une petite vidéo de cette DJ et d'aller voir les photos sur son compte Instagram. Sérieusement, elle est sexy, coquine, mais elle pourrait facilement poser dans le Playboy, là, dans le sens que il y a aucune nudité là-dedans. Elle est juste, comme on dirait dans le jargon de nos jours, elle est juste chaude, la fille. Sérieusement, là, il y a rien de déplacé dans ce qu'elle fait, ni dans son habillement, ni dans ses gestes. Surtout quand on voit des Miley Cyrus de ce monde-là, je pense qu'elle ici, elle fait absolument rien de mal. Elle fait seulement que provoquer la fête dans des boîtes de nuit russes et européennes. En tout cas, faites-vous de votre idée, hein, en allant voir son image. C'est ce que je voulais dire. En Albanie, la présentatrice dénudée du journal télévisé est virée pour avoir déjà posé pour le Playboy. C'est une présentatrice de 21 ans qui a tous les attributs qu'il faut et qui avait accédé à une certaine notoriété pour avoir présenté les infos à la télévision avec un décolleté plus que plongeant. Eh bien, elle a perdu son emploi pour avoir posé en tenue d'Ève pour le Playboy. Donc, un retour de bâton pour Enki Braskak ou quelque chose du genre. Braquage, quelque chose du genre. Désolé, là. Mon albanais n'est pas tout à fait au point. Donc, cette présentatrice de télé à la poitrine plus que généreuse du journal télévisé de la chaîne albanaise ZJARR, selon le Daily Mail, qui révèle cette info du 3 décembre. La chaîne, qui aurait voulu garder pour elle l'exclusivité des atouts de la jeune femme, aurait peu apprécié le fait que cette dernière accepte de poser nue pour la célèbre publication de la célèbre publication de charme Playboy. Donc, Ismet Drishtri, patron de ZAJRR, a refusé d'en dire plus, mais a tout de même... mais n'a en tout cas pas perdu de temps pour trouver une remplaçante à Enki. La relève est en effet désormais assurée par une certaine Greta Oksa. C'est ce qu'indique le journal. Les téléspectateurs albanais ont pu ainsi la découvrir en gilet traditionnel minimaliste à l'occasion des célébrations de la libération de l'Albanie. Ce que nous faisons dans notre journal est original. Pour dire la vérité, je ne suis pas surprise que nous recevions autant d'attention. Je veux envoyer le message disant que lorsque les gens regardent mon émission, ils entendront dire la vérité nue. Rien de biaisé à gauche ou à droite, explique Greta avec un certain professionnalisme. OK, professionnalisme, mais pas beaucoup d'habillement, je vous le dis. Quant à sa prédécesseur, Enki avait déclaré avant son licenciement avoir été bombardé d'offres d'emploi après ses premiers passages à la télévision. Il ne devrait donc pas avoir trop de mal à trouver un autre emploi. Donc, allez voir ça, cette femme qui lit les nouvelles presque topless, on pourrait dire. Ici, une sauce trop pimentée entraîne l'évacuation de 4 immeubles. L'Université de Manchester a été le théâtre d'un fait divers pour le moins original qui a conduit à l'évacuation en urgence de 4 résidences étudiantes. Les faits se sont déroulés à la fin du mois d'octobre dans cette ville du Royaume-Uni. Durant la soirée, plusieurs étudiants occupés à se préparer pour la fête de l'Halloween commencent à sentir une odeur étrange, puis à tousser après avoir inhalé les vapeurs toxiques. Face à l'absence de fumée, les convives déduisent qu'il s'agit peut-être de monoxyde de carbone et s'empressent de quitter donc le bâtiment. Ils sont vite rejoints par d'autres locataires de 4 résidences différentes, tout aussi étouffés par la fragrance âcre. Si l'hypothèse de la fuite de gaz est écartée, les véritables coupables sont identifiés. Il s'agit de plusieurs étudiants qui auraient tenté, selon leur propre aveu, de réaliser le plat le plus pimenté du monde. Mais incapables de maîtriser la situation, ils auraient perdu le contrôle de leur expérience. Appelés sur place, les secours munis de masques à gaz ont été en mesure de régler leurs problèmes grâce à un grand ventilateur et en pratiquant des fumigations dans des bâtiments qui sont touchés. Les pompiers ont par la suite déclaré au journal de l'université que la fausse alerte était le truc le plus ridicule sur lequel ils ont dû intervenir depuis 20 ans. Moi, je trouve ça magnifique comme nouvelle et c'est pour ça qu'on en parle. Quant aux coupables, eh bien, ils se sont fait pardonner en offrant leur tournée générale. Le plat n'a, lui, bien entendu, pas été consommé, mais l'un des préparateurs a plus tard avoué qu'il n'avait jamais goûté un truc pareil. C'était comme manger une poignée d'aiguilles et de punaises, a-t-il ajouté. Ici, le plus grand journal de Norvège publie par erreur un hilarant faire-part du décès du Père Noël. Le plus grand journal norvégien s'est excusé vendredi d'avoir publié la veille un avis de décès du Père Noël. Eh ben oui, hein, pour un journal de référence, cela fait mauvais genre. Le site internet du quotidien Aftenposten a publié jeudi dans sa rubrique un faire-part de décès pour le moins insolite, celui d'un certain Arlesen Jolenes, qui n'est nul autre que le Père Noël en Norvège. Eh bien, l'avis publié dans le monde entier indiquait le plus sérieusement possible que l'homme mort ce jour-là au Cap Nord était né le 12 décembre 1788 et avait donc 277 ans et que ses obsèques devaient se tenir le 28 décembre à la chapelle du Pôle Nord. Si la plaisanterie a fait rire ses auteurs, elle n'a évidemment pas été du goût du journal, qui l'a immédiatement retiré et a présenté ses excuses à ses lecteurs. La Aftenposten a des règles strictes concernant le contenu de l'utilisation de symboles dans nos avis de décès. C'est ce qu'a souligné le rédacteur en chef Eiken Borud. Et cette annonce est une entorse à ces règles et n'aurait jamais dû être publiée. C'est ce qu'il a ajouté dans un article en ligne sur le site du quotidien. Voilà donc les enfants rassurés sur le sort du Père Noël. Malgré son grand âge, celui-ci devrait bien effectuer sa tournée très attendue dans la nuit du 24 au 25 décembre. Surveillez-le! Ben oui, c'est vrai, surveillez-le. On va y aller avec ça ici. Elle gagne 66 000 euros par année de prix pour participer à des concours. C'est la Britannique Lynn Kendrick, 30 ans, qui participe à près de 400 concours par mois. OK, c'est une vraie job, là, de 400 concours par mois. Moi, on me donne un ticket à remplir là, de sondage avec ma facture après mon IGA, là, puis ça me prend 6 mois avant de la remplir, puis quand je vais pour le remplir, il est plus bon. Elle les fait toutes. Donc, cette mère de 2 enfants originaires du Lincolnshire affirme être accro au sentiment que lui procure le fait de gagner à des jeux. Et elle se débrouille plutôt bien puisque sa maison est remplie d'objets qu'elle a gagnés. iPad, téléphone portable, aspirateur, machine à café, etc. Son obsession a commencé en septembre 2014 lorsqu'elle est tombée sur une publication Facebook d'un ami proposant de gagner un sofa en échange d'un like et d'un partage. « J'ai participé sans vraiment y croire », a-t-elle raconté invité au journal Le Sun. Deux semaines plus tard, j'ai reçu un message m'annonçant que j'avais gagné. Je ne pouvais y croire. Tout ce que j'avais eu à faire, c'était de cliquer sur un bouton. J'ai reçu un sofa sans dépenser un sou. Liane s'est ensuite rendue sur... elle s'est rendue compte qu'il existait de nombreuses personnes dont les jeux de concours constituaient la passion principale. Elle a commencé à fréquenter les forums Internet recensant les différents jeux. Elle a tellement gagné de prix qu'elle ne peut pas tout garder pour elle, mais peu importe, j'ai une grande famille, donc je trouve toujours quelqu'un à qui les offrir. Elle a également su se montrer généreuse en donnant à des cadeaux à l'hôpital royal pour enfants de Manchester où est soigné son fils Harry pour des difficultés respiratoires. Et Léane ne compte pas s'arrêter là. Elle dit « J'ai gagné plus de 66 000 euros de prix sans quitter ma maison. Je n'ai plus rien à perdre à participer à ces jeux, alors pourquoi m'en priver? » Ben non, t'as juste à gagner. Félicitations à toi. Et ici en Norvège, 11 571 chasseurs pour tuer 16 loups. Alors que la Norvège a autorisé la chasse de 16 loups, 11 571 personnes se sont inscrites pour obtenir un permis de chasse leur permettant d'abattre des canidés recherchés. La traque a débuté le 1er octobre et se conclura le 31 mars prochain. Comme pour la chasse aux ours bruns, l'Agence nationale pour l'environnement norvégienne autorise régulièrement l'abattage de loups, bien que l'animal soit protégé en Europe par la Convention de Berne en 79, et ce pour protéger le bétail des attaques portées à son encontre par le prédateur. On dénombre alors 30 loups sur le territoire norvégien. Plusieurs spécimens ont récemment fait l'objet d'actes de braconnage. En avril dernier, 5 hommes ont été ainsi condamnés à des peines allant de 6 à 20 mois de prison ferme pour avoir posé des pièges à loups illégaux et ou pour en avoir chassé. Eh ben oui, c'est ça. Et puis, tiens, il nous reste beaucoup de nouvelles encore. Je vais vous inviter à aller voir ça. C'est bien sympathique. C'est un homme qui joue Jingle Bell sur des fesses de femmes. Ben oui, c'est tout à fait inutile. C'est afin de sensibiliser la population au dépistage du cancer du côlon que cette association canadienne a eu l'idée de faire appel à un percussionniste espagnol du nom de George Perez pour rejouer le titre Jingle Bell sur les fesses de femmes. Un spot sexy et drôle qu'on vous propose de visionner immédiatement. Est-ce qu'il y a une pub avant? S'il y a une pub, on n'ira pas l'écouter, mais si la vidéo commence, on pourrait aller écouter ça tout de suite. On écoute dessus. C'est ça? Ça sonne pas les fesses, ça, là. Parce qu'on veut la vidéo de la préparation. Moi, je veux voir. Let's go. OK, là, on l'a. Donc, moi, je vais vous dire, je trouve ça un peu n'importe quoi. Et surtout d'avoir pris un grand percussionniste. Je m'excuse, mais même moi qui sais juste taper sur un tambour, j'aurais pu vous faire la même version. Là. Ça aurait été aussi bon, parce que quand on se tape ses cuisses, c'est la même affaire. En tout cas, vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Elle, c'est pas la fille du Père Noël, c'est la fille, en fait, d'un miracle et d'une immaculée conception, de je sais pas trop quoi, c'est comme elle est venue directement d'en haut. Probablement, parce qu'elle était intelligente. C'est ça, une vraie ange sur terre, une vraie Victoria's Secret top model. Oh! Et tout, je pourrais continuer longtemps les compliments. Pourtant, je porte un manteau, là, je pense aux vêtements. Puis une tuque rose. C'est rare que les filles de Victoria's Secret portent une tuque. Ah, mais dans le show cette semaine, il y en avait une. Ah ben, Colin, tu parles de lien. Ouais. Étais-tu jaune orange écrit « fuck you » Excusez. Non. La fille ou la tue? Des fois, l'auto-bronzant. C'était une plus 16 hawaïenne écrit tatouée de mauvais goût. Excusez. Tu m'as fait tousser. Et voilà. C'est juste une pertine. Dans cette journée pluvieuse, T'avais l'air de nager dans les, le soleil, mais pourtant, il n'y a aucun soleil. C'est de l'eau, c'est peut-être la pluie. T'essaies de... Ah, la pluie. Je faisais mon yoga. Ah, c'est ça! Mais je trouvais que c'est de la musique de yoga robotique. C'est vrai, ça. Ça pourrait... Ça pourrait fonctionner. Je vais inventer un nouveau type de yoga, de robot yoga, de yogbot, de... Du... Ouais. Ouais. Du C3PO. Yogot. Yogot. You got it, man. Oh, hey, on jinx ce matin. À la place d'avoir des pantalons marqués « Just do it », ça va être marqué « You got it ». Oh oui. J'aime ça. Tout le monde est huilé, c'est ça qui est le fun. Tout le monde est... Sauf que il pleut dehors, puis moi, j'ai vraiment envie de réconfort et un verre de lait ne suffira pas. Ah, mais pourtant... Non, non, ça suffira juste pas. Ah, mais pourtant... Non. OK. Qu'est-ce qui boit du lait? On verra, on verra. Qu'est-ce qui est chaud, qui est doux, qui est beau, qui boit du lait? C'est pas votre chum avec Donald le... Donald Trump. Je sais pas s'il est doux. J'ai jamais touché en personne. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête de Donald Trump? J'ai déjà caressé à l'écran. Ça n'a pas donné de bons résultats. Hey, Donald Trump, tout un phénomène. Mais on parlera pas de ça aujourd'hui, pas en tout, parce que ça prendrait des années à expliquer ce phénomène dysfonctionnel de la nature. Il y a de la science derrière ça. Il y a de la science, mon Dieu, oui. Je soupçonne que ce soit même pas un être humain. C'est, c'est comme une production. Ça a été fabriqué de toutes pièces par des républicains, cette histoire-là. Ça se peut bien. Puis les cheveux par un espèce de coiffeur de mauvais goût. Ce matin, parce qu'on a tout envie de rester au lit, au chat, on va parler de chats! De chats! De chats! On se fait licher sur le nez! Oh oui, j'aime les chats, j'aime les chats. Moi aussi. Mais plus spécifiquement, on va parler de la robe des chats. Robe. Ça, c'est ceux qui portent qui font porter du linge à leurs chats. On va parler des robes de chats. Le designer! C'est pas des robes de chambre, c'est des robes de chats. Des robes Victoria's Secret, ouais, c'est ça. J'entends par robe les patrons de pelage qui existent chez les chats. Et en réalité, là, mon but est de vous livrer un cours 101 sur la génétique. Un sujet assez complexe, merci. Mais de vous faire croire qu'on a parlé de belles créatures poilues, cute et adorables. Je vais tout vous duper. Ouais, c'est ça, finalement. Bref, je joins l'utile, ou pour certains, le très, très, très inutile, à l'agréable. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le pelage des chats, à part que je pourrais en parler pendant des heures, des semaines, des mois, même juste sur la base des différents types de maudits patrons qui existent, parce qu'il y en a, Colin, des centaines, bon, peut-être pas des centaines, mais il y en a gros. Hein? Eh bien, premièrement, un chat peut avoir dans son pelage 9 différentes couleurs. Hein? En partant, c'est plus compliqué que ce magasiné de Miaris chez Toyota. C'est vrai. Il y a le blanc. Hein? Ça oui. Commence bien, ouais. Il y a le noir. Ah, okay. Ouais. Après ça, les daltoniens, fermez-vous les yeux, vous ne comprendrez rien. Il y a le chocolat, le roux, le cannelle. Et ensuite, il y a les dilutions de ces couleurs, dont le bleu, qui est une espèce de gris ardoise, qui est la dilution du noir. Il y a le lilas. Le lilas. Si votre chat, il est rose. Ou non, c'est un... c'est un beige rosé très pâle, qui est en fait la dilution du chocolat. Ah. Yum, yum, yum. Il y a la crème. Ça, c'est un blanc cassé. Qui est la dilution du roux. Okay. Il y a le fauve, qui est un beige clair tirant sur le roux, qui est la dilution du cannelle. Fait qu'on a toutes ces 9 couleurs-là que peut comporter un chat. Un chat ne va pas avoir les 9 couleurs, là, on s'entend. Hey, ça serait malade. Oui, vraiment. Un rainbow cake des chats. Oui, qui pète des Pop-Tarts dans le ciel. Avec une génétique de mutant, là, je suis sûre qu'on peut y arriver. Non, mais c'est tellement compliqué que je pense pas que ce soit possible d'y arriver. Là, c'est à ce point compliqué. Il faudrait vraiment prendre des parties du chat puis faire exprimer tel gène à telle partie du corps parce qu'il y a des gènes qui vont aller s'inactiver. En tout cas, bref, on va en parler tout à l'heure, je vous jure. Okay, on rentre dans les détails. Le vif de la génétique. Je vous dis, là, c'est un cours là, que je donnerais à l'université, là, facile. Après la couleur des pelages, là, on peut aussi dénombrer chez les chats plusieurs patrons de tâches. J'ai écrit tâches, évidemment. Mon correct dans Microsoft, il m'a changé ça. Hey, j'ai un beau franglais ce matin. Mon correct dans Microsoft. Mon antidote Word a changé ça pour tâches. Mais les tâches... Taj Mahal. On a tout d'abord les pelages solides, c'est-à-dire un pelage d'une seule couleur unie, là, tout simplement. Là, les chats d'une couleur. Là, les chats normaux. Hein? Ouais, c'est hein? Ça. Bon. Genre un chat noir. Un chat noir, un chat blanc, un chat roux, point. Hein? Il y a ensuite les pelages color point, où le corps est uni, mais le bout des pattes, de la queue et du visage sont d'une autre couleur. C'est souvent dégradé. Là. C'est comme souvent les chats siamois, ça une belle couleur lilas ou une belle couleur genre cannelle, puis après ça, ça fond vers un petit noir au bout du nez des queues. Des queues, oui, je viens de dire, vas-tu as plus qu'une queue? Pour une question. C'est ça, hein? Hey, arrête. On parlera pas de ça à ma tête. Non. Il y a ensuite les pelage bicolore. Ça, c'est des chats qui sont une couleur, mais qui possèdent des espèces de taches distinctes blanches. C'est un peu marbré, mettons. Ouais, c'est un chat marbré. C'est du bon fromage. Il y a aussi des pelages tricolores. Il y en existe plusieurs types. Il y a soit écailles de tortue, où seul le chat, dans le fond, possède trois couleurs de base, le noir, le chocolat, le roux. Ou bien, quand c'est mélangé aussi avec du blanc, on appelle ça des chats calico, c'est des chats d'Espagne. Ah, c'est beau! Parce qu'il y a les trois couleurs plus du blanc. C'est comme napolitaine. Ah, oui. Oui, c'est une bonne crème glacée. Hey, les chats sont des produits laitiers à matin, c'est point. C'est une source de réconfort. C'est parce que j'ai. Puis, il y a les chats dits tabby. Hein? Le chat tabby, là, on pense bâtard, toujours que c'est, que on pense que c'est un chat bâtard, mais c'est pas ça c'est du pas tout. Ça. C'est le type de pelage qui donne un aspect tigré, des rayures, ou bien même parfois, c'est des espèces de petites taches style léopard. Ouais. Ça, c'est des chats tabby. Mais pourquoi qu'on appelle un chat de ruelle un chat tabby? C'est que le type de pelage le plus souvent retrouvé dans les chats de ruelle, c'est le tabby. C'est juste une coïncidence. Ben pas une coïncidence, c'est juste par association qu'on a appelé des chats de gouttière des chats tabby. Mm-hmm. Mais tabby, c'est vraiment un type de pelage. Donc, on pourrait avoir une espèce de... Tu sais, les espèces de chats là, qui ont l'air de des chats sauvages, là, des bobcats quasiment. Ouais. Là, ça, c'est des chats tabby, en fait. Et je pourrais en parler longtemps, là, parce que etc. Il y en a en tabarnouche des types de pelage. Là, ça, c'était les principaux dont je voulais vous parler. Mais là, je vous ai promis de parler de génétique. Je suis sûre que vous reteniez votre souffle pour que j'oublie d'en parler, mais je n'ai pas oublié, parce que j'ai des notes et je suis tout organisée. Alors, avant de pouvoir vous expliquer quels gènes sont impliqués dans la couleur et les patrons de pelage, je vais vous faire un mini cours, un petit crash test en bon franglais sur la génétique. Donc, on commence, OK? Prenez des notes, Colin, il y a un examen à la fin. Okay. Le matériel génétique ou votre manuel du fabricant Toyota, hein? Ben, il est contenu dans votre ADN, hein? Ça va jusque-là, ouais. L'acide ouais. déoxyribonucléique, là, right? Ça va moins bien. C'est ça. L'ADN est organisé chez l'humain. C'est pas juste un moton pêle-mêle dans les cellules, hein? C'est organisé chez l'humain, ainsi que les chats et dans bien d'autres organismes, en ce qu'on appelle des chromosomes. Ça, je pense qu'on se perd pas en... Ouais, à date, encore, on n'est pas pire avec le cours de bio que j'ai déjà suivi au secondaire. Vous êtes fort. Quand on dit les vieux chromos, là, ça n'a pas je sais pas. Les chats, comme les humains, hein, possèdent des chromosomes en paires, donc des chromosomes deux par deux. Chez les humains, on a 22 paires de chromosomes agencés, numérotés, là, 1, 2, 3, 4, 5, 9, jusqu'à 22. C'est une maudite belle paire quand on dit ça, ça rapporte. Maudite belle paire de chromosomes. Chromosomes. Ouais, c'est comme ça que tu abordes une fille en biologie, ouais. Et une paire de chromosomes dit sexuels. Ça, c'est les chromosomes X et Y qui sont plutôt différents de l'un de l'autre. Les autres sont moins bien agencés, là, mettons que ça ne ressemble pas bien. Une moitié de nos chromosomes nous est donnée par notre mère, dont le X, et l'autre partie par notre père, dont le Y. Fait qu'on a deux manuels du fabricant. C'est comme un écrit par le papa, l'autre par la maman. Puis ça se match. Ça se match, parce que si je récapitule, tout notre matériel génétique encodé par l'ADN est écrit en double dû à ce double héritage. Mais par contre, même si votre manuel du fabricant est écrit en double, les deux ne sont pas identiques. Mm-hmm. Hein? Votre mère et votre père, c'est pas la même personne. En tout cas, je vous le souhaite. Ben ouais, c'est ça. En effet, les deux manuels ou les deux chromosomes qui forment une paire agencée comportent habituellement le même nombre de chapitres, le même nombre de pages, la même organisation de paragraphes, mais parfois, hein, quand même, l'information qu'on peut lire va être différente d'un manuel à l'autre. Fait qu'admettons qu'un manuel dit « Oui, il faut que tu changes tes pneus d'hiver à partir du, c'est quoi, le 15 mars ». Pour les changer en pneus d'été, l'autre, il va dire une autre affaire. Okay. En tout cas, OK, c'est une information qui ne se retrouvera pas dans votre manuel. C'est un manuel de char, OK, oui, excuse-moi. Si vous avez sur votre corps des pneus d'hiver, vous avez de la misère dans la vie. Si ça avait été un manuel de jeux vidéo, tu m'aurais plus rejoint. Ouais, je m'excuse, là. Ouais. Là, mettons que, genre, dans le manuel, c'est écrit, là, faites votre changement d'huile à chaque 8000 km, puis l'autre 17000 km. Ben, c'est ce genre d'information-là qui peut changer. Ouais. C'est la même nature d'information, mais l'information change, hein, entre un chromosome et l'autre d'une même paire. Donc, si je parle en termes biologiques et non pas en termes automobiles, deux chromosomes d'une même paire vont contenir les mêmes gènes, le même nombre de gènes, aux mêmes endroits. Ils vont dicter les mêmes fonctions dans notre corps, la couleur des cheveux, votre sexe, la longueur de vos jambes, etc. Mais un gène sur l'un des chromosomes peut dire « yeux bleus », tandis que l'autre gène sur l'autre chromosome peut dire « yeux bruns ». Hein? Jusqu'à là, ça va. Je pense qu'on est tous dans les mêmes eaux. On comprend. On parle donc ici d'un allèle bleu et d'un allèle brun. On appelle ça le terme allèle quand les deux informations sont pas pareilles. Et les allèles, c'est ce terme justement désigné pour des variations normales qui existent pour un même gène. Okay? Si un individu est porteur de deux allèles bleus, il aura les yeux bleus. Bleu, hein? Ouais. S'il porte deux allèles bruns, il va avoir les yeux bruns. Hein? Mais s'il est porteur d'un allèle bleu et d'un allèle brun, c'est qu'il a reçu de ses parents des allèles différents. Et qu'arrive-t-il alors à ses yeux? Ben, comme vert. Vous vous en doutez, ça peut être une... En fait, on rentre dans les... Arrête de compliquer ma chronique. Excuse-moi! Ah! Si, là, vous vous en doutez probablement, là, il aura probablement les yeux bruns. Mais pourquoi? Parce qu'on dit de l'allèle brun qu'il est dominant. Aha. Il est dominant. Et donc, si un individu est porteur de même juste une copie de l'allèle brun, OK? Même s'il y a un allèle bleu, il va avoir les yeux bruns pareil. À l'inverse, s'il a deux allèles bleus, il va avoir les yeux bleus. Et les allèles qui doivent nécessairement être présentes en deux copies, on dit de ces allèles-là qu'ils sont récessifs pour qu'ils soient exprimés au niveau du physique de la personne. Disons que c'est pour ça, entre autres, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont les yeux verts et les cheveux roux, mettons. Oui, les cheveux roux, c'est une question d'allèles récessifs, effectivement, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte là-dedans que je ne rentrerai pas dans les détails. Ouais. Je suis zéro experte dans la rousseur des gens. La rousseur de l'espèce humaine, c'est ça, mais c'est plus rare parce que, veux pas, juste par probabilité, c'est plus difficile d'avoir, ouais. D'obtenir, justement, une double présence d'un allèle récessif. Mmh. Donc, comment ça s'applique chez les chats? Parce que là, on parlait de Toyota et on parlait de couleur de yeux brun et bleu. Suivez. Grosso modo, il y a une dizaine de gènes principaux qui déterminent la couleur et le patron du pelage des chats. Il y en a beaucoup. Mais au-delà de ces gènes de base, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qu'on est encore en train de découvrir à ce jour. Et pour simplifier, ma chronique est déjà assez compliquée, j'ai choisi aujourd'hui de parler seulement de 4 gènes qui donnent la couleur au pelage, étant donné que c'est assez lourd comme information, merci. Mais quand même très, très, très, très, très intéressant. Puis on parle de chats, fait que vous pouvez pas me chialer après. Hey. J'ai vraiment tenté de vulgariser la matière le mieux que je pouvais, là, fait que vous m'écrirez un télégramme chanté si jamais c'était pas clair. Mon adresse est le premier gène, et le plus facile à comprendre probablement, c'est le gène qui contrôle la production de Le mélanine. Un pigment qui fait en sorte que le pelage du chat est noir. Ah. Et oui, il existe 3 différents allèles, dont l'allèle dominant noir et 2 allèles récessifs chocolat et cannelle. Menum. Hein? Les deux ensemble, ça fait une espèce de crème glacée au chocolat mayen de chez Häagen-Dazs. Donc, un chat qui est porteur d'au moins un allèle noir comportera du noir. Point. Ça finit là. T'as un allèle noir, t'es noir, man. Bon, hein? Et il devrait être porteur de 2 allèles chocolat ou 2 allèles cannelle pour être d'une autre couleur, pour être des couleurs dont on a dit. Fait que là, on sait comment les chats parviennent à obtenir un pelage noir chocolat ou cannelle. Mm-hmm. Mais que dire du fameux chat roux comme mon chat Liboilou, qui m'écoute peut-être en ce moment. Bonjour Liboilou. Allô. C'est ta maman qui parle. Okay, il y a le chat de Louis-Philippe Quentin aussi, Bilibang. Oui. Roux. Les roux, 2 chats roux. C'est les meilleurs. Les chats roux, là, c'est les meilleurs. Bon, c'est les juste qu'ils sont affectueux. Oh, wow. Eh bien, c'est ils sont parfaits au lit, hein, je pense qu'ils disent aussi. Ah, sérieux? Je sais donc. J'ai jamais essayé. Tout le temps. C'est ça. Cherche la nanane. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi les chats roux sont roux? Si c'est pas le mélanine, là, on s'entend-tu que le noir, là, on est bien loin là, d'un couleur? Là. Ben, ça doit être une autre. Un autre pigment, carrément. Ouais, c'est que c'est juste carrément un autre pigment qui va être produit par un autre gène complètement qui s'appelle la phéomélanine. Phéomélanine. Qui est rouge-orange, contrairement à le mélanine qui est noir. Donc, vous n'aurez jamais un chat rouge en passant, là. Wishful thinking. À moins que vous le peinturiez, mais... Peinturiez votre chat, oui. Ouais. C'est sûr qu'il y a du monde qui a déjà fait ça. Dans laveuse, tu mets une petite fiole de peinture. Ah, ça serait hot. À l'aérosol. De faire ça au Japon, là, c'est pas bien, faites pas ça. Donc, un chat porteur d'un allèle, en fait, je disais phéomélanine, c'est rouge-orange, mais par convention, il appelle ça l'allèle orange. Hein? OK. Donc, porteur d'un allèle orange sera roux, car c'est un allèle dominant, encore une fois. Pour ne pas qu'il comporte de roux, il devra porter deux allèles non-orange. Oh. Orange, non-orange, sont originaux. Encore plus intéressant, c'est que l'allèle orange a le pouvoir de masquer le gène noir. Ben oui! Oh, ça veut dire qu'un chat qui comporte un allèle orange et un gène noir sera tout de même roux. Il est plus dominant que le noir. En masse. C'est vraiment vrai. Assez particulier. Ça veut dire que le mélanine est enterré complètement par... L'orange. Enterré dans une litière, là, mais... enterré par l'orange de la phéomélanine. C'est quand même particulier. C'est probablement parce que les deux ne peuvent pas coexister dans un même poil. OK. Ce qui fait en sorte que la phéomélanine va être produite et il va probablement y avoir absence tout simplement de l'eumélanine. C'est pas que la phéomélanine est plus foncée que l'autre, là. C'est vraiment juste qu'il y a absence d'eumélanine. Alors finalement, ce qu'on doit en déduire, c'est que les roux ont domination dans le monde. Chez les chats. Chez les chats. Chez les humains, non. C'est des dominants. C'est parce que s'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup des roux chez les humains... On ferait pas de joke. Retiens-toi. Ils sont très bonnes. Mais c'est qu'ils seraient plus rares. Fait que ceux qui trippent ces roues tripperaient moins. C'est Rousse, sûr. Tu sais? Ils sont rares. Je préfère quand même les gens avec les cheveux foncés, moi. Ouais, c'est ça. Mathieu. On n'a pas les mêmes goûts, ben. Moi, Tania aussi. J'ai les cheveux foncés. Oui. Fait que là, on a parlé quand même de. C'est quoi, deux gènes? Oui, ouais, j'ai parlé de gène noir, de gène orange. Il y a un autre gène qu'on dit qu'il peut masquer. Hein? Et lui, il est spécial parce qu'il peut masquer pas juste le noir, pas juste l'orange. Il peut masquer tous les autres gènes. Hein? C'est le gène albinos, dans le fond. C'est un gène qui régule le développement normal des cellules qui produisent les pigments des poils et de la peau. Donc, si le chat possède un allèle blanc, qui est dominant et qui empêche le développement de ses cellules de pigmentation, tout le pelage sera blanc et ses yeux seront bleus ou oranges. C'est vraiment des chats albinos. Des fois, ils ont les yeux pairs, pairs et bleus. C'est ça. Il y en a qui ont les yeux rouges aussi. Oui. Ah, ça, c'est albinos à côté. Là. Ouais. Je pense qu'il y a un autre gène en plus de ça là, qui est impliqué là-dedans. Là. Ouais. Comme là, en ce moment, je l'appelle le gène albinos, mais ce n'est pas son vrai nom. C'est le gène blanc. Je trouvais ça plat. Ah, oui. C'est le gène blanc, mais tu as le gène blanc et non blanc. En tout cas, tu as l'allèle blanc et l'allèle non blanc. Je ne savais pas comment. C'est le gène, dans le fond, de développement des cellules de pigmentation. Mais c'est plat comme nom. Fait que je l'ai appelé albinos. Hein? T'as-tu l'allèle de poulet aussi? Oh mon Dieu, c'est mes allèles préférées. Ils aiment bien, bien épicé. Donc, si le chat possède un allèle blanc, tout le pelage sera blanc. Si le chat porte deux allèles non blancs, qui sont récessifs, hein, il faut qu'il y ait deux allèles non blancs, il n'y aura pas affectation du développement des cellules de pigmentation et on aura un chat coloré aux yeux verts ou jaunes. Mmh. Mais moi, ça m'amène à penser, des fois, je me demande, il n'y a pas tant de chats tout blancs que ça. C'est mais rare. Il n'y en a pas beaucoup. Ça. Mais c'est à cause que dans tout ça, il y a aussi des gènes de, les gènes de taches. Ah, ils sont tous là-dedans. Fait que des fois, c'est comme c'est les taches qui sont blanches, etc., etc. Fait que ça devient archi compliqué. On a finalement, juste dernier petit gène, parlé des dilutions de couleurs tout à l'heure. Mm-hmm. Eh bien, à nouveau, le gène dilution, en fait, le gène dilution, il porte mal son nom parce que lorsqu'il est l'allèle dilution est dominant, c'est qu'il y a pleine expression de la couleur. Donc, c'est des couleurs qu'on a dit le noir, le chocolat, le cannelle et le roux. Tandis que s'il est doublement récessif, s'il est récessif, donc s'il est doublement présent en sa forme dilué avec un petit D, parce qu'il y a un dilué avec un grand D, puis dilué avec un petit D. S'il est sous sa forme récessive, bien on va avoir des chats de couleur, comme on a dit, bleu, crème, fauve et quoi d'autre que j'ai lila. Dit? Lila! Oh, wow! T'as très bonne part de moi! Alors, c'est ça pour la génétique de... Ça, c'est seulement la couleur. On n'a pas parlé de tâches et on n'a pas parlé de patron. Est-ce que je vous ai perdu à la maison? Oui! Tous les chats à l'écoute. Parfait, c'est excellent parce qu'on va aller tout de suite en musique pour se brainwasher le cerveau de tout ça, faire un petit backwash avec Jeunesse Féline de La Bronze. Ah, tu n'as pas choisi de La Bronze en plus. La Bronze, je l'aime. Excellente chanson. On l'aime, la petite nouvelle mousse. Juste qu'on l'aime. Bon. Et on écoute ça à Justine Pertine. On se bourre le corps de mort en attendant la prochaine extase qui nous remplisse les pores de cuisses, d'étincelles et de belles phrases. On pisse sur vos sentiers battus quand le noir nous poursuit. S'enfile les liquides cornus pour ne pas perdre de vue la nuit qui se bat avec le vent. On s'égratigne les fluides. On s'éparpille la chair. On se lance avec crainte les mots qu'on meurt d'envie de se faire chuchoter à la tempe. Tu es ma maison, je t'aime sans raison. On oublie que tous les moments nous vont bien, alors on se touche sans se voir en s'éteignant à grand feu. On tue pour être l'autre, on se donne pour le posséder. On dit tu n'es qu'à moi, si tu bouges je tire. On désinfecte une tristesse à l'alcool et on brûle nos fantômes au briquet. Pour que nos faces ne s'effacent pas, on les peinture de fluo. On se vêtit de fleurs, on lèche nos larmes. On fait l'école buissonnière des sentiments. Et nos rêves qui s'effilochaient de filaments renaissent en phénix. On déplastifie nos désirs mais on garde notre cœur dans un pot maçon bien scellé. On consomme la beauté et quand enfin elle nous touche, on en veut une autre. Parce que le cul du voisin doit être bien plus vert, c'est sûr, j'imagine. Nous sommes là, jeunesse féline.

mon idée originale, c'était vraiment de vous parler des chattes d'Espagne. Des chattes d'Espagne. Hein, les chattes d'Espagnol, mon Dieu. Les chattes d'Espagne. Et pourquoi ça n'existe pas un chat d'Espagne? Ouais. Pourquoi ça n'existe pas, hein, le masculin de chatte d'Espagne? Eh bien, il y a tout un processus génétique derrière la chose. Je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de rentrer dans ces détails-là avant même d'avoir abordé la génétique de base. Donc aujourd'hui, je me suis concentrée vraiment sur la couleur des pelages parce que c'était facile. C'était allèle dominant, allèle récessif dans des paires de gènes. Tandis que les chattes espagnoles qui comportent trois, parfois même quatre couleurs, si on compte le blanc chez les chattes calico, c'est un nouveau degré de difficulté que j'étais pas prête à aborder en 2015, ouais. Mais peut-être... Peut-être. Je pense à la demande générale, en fait. Là. Je vais vous le dire, là, pendant la pause, il y a à peu près 14,5 personnes qui sont venues voir Télégramme chanter, ouais. Parfois même parler et rapper. Hein. Il y avait un petit peu de beat et tout ça, du beatbox. On m'a demandé vraiment fortement, suggéré, torturé, de, en 2016, revenir avec une chronique pour vous expliquer les chattes d'Espagne. Mais juste une chronique. Mais après ça, là, juste une chronique. Comme ça, ça va être mon travail de la forcer, lui tendre le bras, à revenir fréquemment, oui. Pendant son voyage périple à outre-mer. Ça va me coûter cher de billets d'avion. Oui, je vais partir le mercredi soir. En tout cas, on s'en reparle, là, mais hein, moi, je vais essayer de te convaincre, puis tu me diras non jusqu'à temps que tu changes d'idée. On se demandait aussi, Justine, puis moi, si les chiens, c'était un peu la même affaire, ouais. Puis c'est beaucoup plus complexe ça que ça. Ça demande une autre chronique encore. Oui, c'est compliqué, mais parce qu'on sait que les poils de chien, c'est rare. C'est souvent comme genre un poil beige, un poil noir, un poil beige, un poil brun, un poil beige, un poil... Tu sais, c'est comme... C'est un peu débile, un chien, tu sais. Ouais. Ça mange quand même le caca des chats. C'est vrai. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils ont comme du pelage de mongol un peu. Non, sérieusement, j'ai pas... j'ai ouvert la page Wikipédia, puis j'ai eu le vertige. C'est trop pour toi. Je me suis rassise. Oh. J'ai débarqué de l'escabeau de 8 pieds. Non, c'est ça. Fait que je me suis dit que ça serait probablement juste pour une autre ère. Dans 10 ans, là, je vais être prête. Là. Mais en 2016, je vous parle de chatte d'Espagne. On verra pour la suite. Ouais, ça commence à être compliqué là, avec la fin de mon doctorat et mes départs à Outre-mer. Mais faut que tu te divertisses, faut que tu nous parles pour te divertir. T'as besoin de ça. Je sais bien. Merci. Justine Pertine, Justine Renaud, merci. Ça m'a tellement fait plaisir. Je te dirai pour voir. Ma chronique, elle va s'appeler en 2016 Justine Chronique. Justine. Fais comme Dominique Michel. Justine Autre Chronique. Avant ça, juste une dernière pour la route. Petite dernière pour la route. T'en fais tout une autre. Ouais. C'est malade. J'ai de la misère. Est-ce que je vais devenir ridée comme elle? Elle est pas si pire. Non, elle est correcte. Es-tu si pire que ça, là, maintenant? Je sais pas. Hein? Non, 2015. D'après moi, elle rentre. Maintenant. Après, là, c'est diff. Non, mais elle a eu de la. Ouais, c'est ça. Elle a eu de recours à la chirurgie esthétique. Ah, je sais pas ça. Non? Je sais pas. Moi, ça me dérange. Oui. C'est toi qui n'es pas sain. Et ça en est jamais caché, bon. Si je me souviens bien. Bref. Justine Renaud, merci. Ça m'a fait plaisir. On te retrouve donc en janvier pour une chronique. Là, madame. Un rappel. Ah, c'est ça. Un juste rappel. Un. Ouais. Juste un. Justin Renaud. Bieber. Justin Bieber. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et je pense que c'était pas mal une des nouvelles du jour, celle-là. Il perd son pantalon lorsque la présidente lui remet un diplôme. Et assez particulier, hein? Donc, c'est Jan Svozomir Sivak au centre, le patron du comité Helsinki croate pour les droits de l'homme, qui a perdu ses pantalons. Ben oui, ceinture mal bouclée ou bretelles mal accrochées, la remise d'un diplôme des mains de la présidente de la Croatie aura certainement marqué à vie le président de l'antenne croate du comité Helsinki, qui en a perdu son pantalon en pleine cérémonie. Costume noir et cheveux blancs, doté d'un certain embonpoint, Ivan Zvonomir Sisak, oui, 68 ans, était trop concentré pour montrer avec fierté son diplôme à la presse en le présentant avec la présidente Kolinda Grabar-Kitarovic. Il n'a pas eu le réflexe de réagir pour empêcher son pantalon de tomber jusqu'à ses genoux, même pas jusqu'aux chevilles. Sur une série de photos diffusées par la télévision nationale, M. Sisak apparaît très surpris et embarrassé par la situation. On pourrait être embarrassé avec avec moi, hein? Une canne dans une main, son diplôme dans l'autre, il jette d'abord un regard résigné vers ses pieds avant de remonter son pantalon. Après avoir jeté, elle aussi, un regard furtif vers les pieds de M. Sissac et esquissé un léger sourire gêné, la chef d'État croate semble avoir réussi à maîtriser ses émotions. Debout derrière la présidente et le patron du comité Helsinki croate pour les droits de l'homme, une dizaine de personnes, conseillers présidentiels et invités, éclatent de rire ou paraissent très embarrassés. M. Sissak et ses collègues, oui, du comité Helsinki croate, ont été décorés par la présidente pour leur travail. Deux jours avant la Journée mondiale des droits de l'homme, oui, célébrée le 10 décembre, donc demain. Parlant de 10, eh bien, hein, on va se faire ici 10 choses à savoir absolument sur Édouard aux mains d'argent. Le 14 décembre 1990, et puis le 14, c'est que... j'aurais pu le faire là, c'est pas plus grave que ça. Tim Burton lançait un merveilleux conte de fées pour adultes qui allait rapidement devenir un classique du cinéma. Pour souligner le 25e anniversaire de sa sortie, voici donc 10 choses que vous ne saviez sûrement pas sur Édouard Scissorhands, ou Édouard aux mains d'argent. Donc, il est né en criant ciseaux. L'inspiration derrière le film vient d'un dessin que le jeune Tim Burton esquisse alors qu'il fréquente encore la polyvalente. Un homme doté de ciseaux en guise de main est baptisé Edward Scissorhands. Lorsqu'il soumet le concept à la scénariste Caroline Thompson des années plus tard, celle-ci répond qu'il s'agit de l'idée la plus saugrenue qu'elle n'ait jamais entendue. Le cruise control, eh bien, les studios acceptent que Tim Burton réalise son étrange film à condition qu'une vedette bien connue interprète le rôle de Edward. Tom Cruise est le premier choix des producteurs, mais trouvant la fin trop triste, l'acteur refuse de joindre la distribution si elle n'est pas changée. Gary Oldman, Jim Carrey ainsi que Robert Downey Jr. ont tous été approchés avant que Johnny Depp ne soit finalement choisi. C'est un rôle presque muet. Johnny Depp confie avoir pleuré à chaudes larmes après avoir terminé la lecture du scénario d'Édouard aux mains d'argent. Peu bavard, ce Pinocchio moderne ne prononce que 69 mots. Vous avez compris? 169 mots sur 105 minutes que dure le film. Pour se préparer, Depp a étudié le travail de Charlie Chaplin afin d'apprendre à transmettre les émotions en utilisant son corps, son visage, au lieu de la parole. Ce fut une rencontre déterminante. Édouard aux mains d'argent marque le début d'une longue série de transformations physiques pour Johnny Depp au cinéma, mais il s'agit aussi de sa toute première collaboration avec le célèbre Tim Burton. Se liant d'amitié sur le plateau de tournage, les deux hommes ont travaillé ensemble sur 8 autres films, dont entre autres Alice au Pays des Merveilles, Sweeney Todd, Ombre et Ténèbres, ainsi que Charlie et la Chocolaterie, pour ne nommer que ceux-là. Quitter la mafia. Johnny Depp est si enthousiaste par le projet qu'il réussit même à convaincre son ami Winona Ryder de se retirer du Parrain 3 où elle avait été engagée pour jouer la fille de Michael Corleone pour à la place participer à Édouard aux mains d'argent. La comédienne évoque un rôle assez difficile puisqu'elle ne possédait aucun point en commun avec Kim, qui est la cheerleader blonde de ce film. Côté vie de banlieue, eh bien, on a remplacé la banlieue de Burbank en Californie où a grandi Tim Burton. Pour remplacer cette banlieue, eh bien, on a utilisé un véritable quartier de Tampa en Floride qui a servi de décor. Donc, la production n'a pratiquement rien changé, se contentant de simplement repeindre les maisons avec des couleurs plutôt pastels et aussi de diminuer la taille des fenêtres pour accentuer davantage l'impression de la paranoïa. Intéressant. Le rôle d'inventeur aussi qui a été écrit sur mesure pour Vincent Price, une idole de Tim Burton, mais qui, à cause de problèmes de santé de l'acteur qui souffrait de Parkinson et d'emphysème, a dû réduire sa participation au minimum. Non seulement Édouard aux mains d'argent est le tout dernier film de Price, mais aussi la dernière scène qu'il n'ait jamais tournée est celle où son personnage meurt. Assez symbolique tout ça, hein? Bien sûr, Caesar, Monsieur Scissorhand est à un cheveu de Robert Smith. Donc, de l'aveu du réalisateur, la coiffure d'Edouard aux mains d'argent est copiée presque intégralement sur celle de Robert Smith, chanteur de The Cure. La participation de la formation musicale aurait pu être encore plus grande puisque Tim Burton a même envoyé une copie du scénario à Smith en lui demandant de réaliser la trame sonore. Trop occupé avec l'enregistrement de l'album Disintegration, le groupe a malheureusement décliné l'offre. Ça a été très, très, très bien d'avoir la musique de The Cure sur Édouard aux mains d'argent. Côté Jardin des Merveilles, eh bien, si Édouard aux mains d'argent a été réalisé sans l'aide d'aucun ordinateur, des effets spéciaux classiques furent utilisés. Tous les topiaires qu'on peut voir dans le film, topiaires, c'est les haies qui sont taillées là, dans des formes fantastiques par Édouard, eh bien, sont constitués en fait d'une armature de métal et de broches auxquelles des feuilles ont été ajoutées. Les délirantes coiffures canines ont par contre vraiment, elle était affligée à de pauvres chiens. Et comme enfant prodigue, eh bien, Tim Burton et le prolifique musicien Danny Elfman ont collaboré sur une bonne vingtaine de longs métrages. Le réalisateur a souvent répété que la trame sonore d'Édouard aux mains d'argent représente le meilleur travail de composition de ce Elfman. Tim Burton confie également qu'il ne s'agit là pas du meilleur long métrage qu'il ait réalisé. Édouard demeure encore à ce jour, par contre, son préféré. Ben, c'est avec ça que tout a débuté. Un film à voir si vous ne l'avez jamais vu. Ici, l'étude santé du jour. Eh bien, des chercheurs basés en Suisse ont découvert que le froid pouvait altérer une bactérie présente dans notre flore intestinale. Or, cette dernière favoriserait la prise de poids. Donc, et si le froid était le meilleur de nos alliés pour garder la ligne, c'est en tout cas ce que les résultats de nouvelles recherches tentent à prouver. En effet, après de multiples expériences, oui, il semblerait que le froid soit l'ennemi de certaines bactéries qui sont présentes dans notre flore intestinale et qui, elles, favoriseraient la prise de poids. C'est en tout cas ce qu'une équipe de l'Université de Genève pense avoir démontré, travaux à l'appui. Si de nombreuses études ont démontré que les bactéries présentes dans notre flore intestinale pouvaient jouer un large rôle dans le facteur de prise de poids ou non, là, les chercheurs suisses ont voulu savoir comment ces dernières agissaient sur l'environnement du sujet s'il était modifié. Ainsi, des souris ont été soumises pendant un certain temps à une température extérieure de 6 degrés et après observation, leur flore intestinale avait été altérée de manière très nette. Pour aller plus loin dans leur démonstration, les chercheurs ont extrait aussi ces bactéries modifiées par le froid, oui, et les ont plantées chez d'autres souris. Non seulement ces dernières ont vu une rapide amélioration de l'assimilation du glucose par leur organisme, oui, mais en plus, elles résistaient beaucoup mieux au froid. Enfin, elles ont perdu du poids. C'est assez significatif. Les chercheurs ont tout de même remarqué qu'après 3 semaines d'exposition au froid, la perte de poids avait tendance à se stabiliser. En effet, l'intestin prenait un peu de volume pour pouvoir absorber plus de nutriments et donc compenser l'amaigrissement. Conclusion, les bactéries présentes dans notre flore intestinale pourraient jouer un vrai rôle de régulateur de poids, surtout si leur environnement est modifié. Une position qui viendrait à renforcer les théories sur le lien direct entre obésité et flore intestinale. Ces recherches constituent donc une véritable piste dans le domaine de la lutte contre l'obésité. Une affaire à suivre. Oui. Ici, les 10 meilleures excuses pour ne pas avoir acheté de cadeaux de Noël. Ça fait un Noël plus plate, mais beaucoup plus économe. Donc, si vous vous réveillez le 24 décembre en sueur parce que vous n'avez encore fait aucun achat de cadeaux de Noël, eh bien, surtout, ne paniquez pas. En effet, une fois de plus, Danny Janvier et le Dîner de con volent à votre secours. Voici les 10 excuses parfaites expliquant pourquoi vous n'avez aucun cadeau à offrir à vos proches. Première excuse. Eh bien, votre chien a mangé tous les cadeaux que vous aviez pourtant soigneusement placés sous l'arbre. Vous n'avez pas de chien? Eh bien, pas de problème. Il suffit de blâmer celui de votre meilleur ami. C'est de la faute du chien. Le Père Noël, deuxième excuse pour ne pas acheter de cadeaux ou de ne pas en avoir acheté, eh bien, le Père Noël a perdu un de ses sacs cadeaux sur la 40 à cause de la mauvaise visibilité. Pourquoi pas? Troisième excuse, Noël est une fête beaucoup trop commerciale. Vous avez donc adopté la simplicité volontaire. Ou simplement, vous n'avez pas fait votre changement d'heure. Alors, tu vas avoir des cadeaux, mais dans une heure, j'ai oublié. Votre mère ne vous a pas acheté de calendrier de l'Avent, donc vous n'aviez aucune idée que le mois de décembre était arrivé. En plus, il n'y a pas de neige pour vous le rappeler. Ah, c'est pas fou, ça, hein? J'ai pas pu y aller. Il pleuvait des cordes. J'ai pas pu y aller. Vous êtes atteint de paternatalophobie. OK. Ah, c'est ça. C'est parce que je suis atteint de paternatalophobie, tu comprends? C'est pour ça que je peux pas acheter des cadeaux de Noël. La paternatalophobie, eh bien, c'est la peur du Père Noël. Huitième excuse. Eh bien, la saison de Bixi est terminée et vous n'avez plus aucun moyen de transport pour vous déplacer en ville. C'est bien à Montréal, mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Oh! Je ne sais pas. La naissance de Saint West, le fils du couple royal formé de Kim Kardashian et de Kanye West, a occupé tous vos temps libres. Pas le temps de t'acheter de cadeaux, j'ai juste pensé à Saint West. Mauvaise excuse ici. Et finalement, votre sapin de Noël ne s'illumine plus et vous avez passé sans succès tout le mois de décembre à chercher quelle lumière est à blâmer pour cette panne généralisée. Sauf que ça marchait à l'époque, mais maintenant, ça marche plus parce qu'avec les nouvelles lumières de Noël, même s'il y a une lampe qui est pétée, les lumières marchent pareil, les autres fonctionnent. Okay, il va falloir trouver une autre excuse ici. Ici, un homme se détend dans un club de striptease après avoir tué un autre homme, bien sûr. Donc, comment soulager sa conscience lorsqu'on vient de commettre un meurtre? Eh bien, en allant voir un spectacle de striptease, bien sûr. C'est la première pensée aussi étrange qu'abominable qui semble être venue à l'esprit de Rodney Chavers, un Américain de 41 ans qui venait d'abattre un homme de 42 ans le 13 novembre dernier sur un trottoir de la cité balnéaire de Riviera Beach en Floride. Eh bien, qu'aussitôt son crime commis, il s'est en effet dirigé vers le Sugar Daddy Gentleman Club, situé non loin de chez lui. Le chaud meurtrier de sang-froid ne sera finalement pas resté longtemps dans le club. Arrivé à l'intérieur, il a en effet pris part à une bagarre qui a fini, et il a fini par se faire chasser par les videurs pour possession d'armes à feu. Sa soirée n'étant pas finie pour autant, Ronnie Chairs a ensuite demandé à des hommes qu'il ne connaissait pas de le ramener chez lui. Stupeur dans la voiture, il raconte au conducteur et aux passagers qu'il est venu au Sugar Daddy Gentleman Club pour se changer les idées après avoir tué un homme qu'il accuse de lui avoir donné des coups de poing au visage. Après cette terrifiante révélation, l'homme a fini par s'endormir dans le véhicule et ses occupants ont alors prévenu la police qui est venue le cueillir direct dans la voiture, le trouvant toujours assoupi avec son arme sur les genoux. Il a été inculpé de meurtre au second degré sans préméditation. Rodney Chavers a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution après sa première comparution devant le tribunal. Lors de l'audience, c'est ce que rapporte le Palm Beach Post, le meurtrier, décidément sans remords, a adressé un baiser au public. Il a vraiment fait le petit signe, là, comme tu donnes des becs à tout le monde. Particulier ce monsieur. Et puis, on va se finir avec ça avant d'aller en pause publicitaire. Eh bien, la sauce piquante pour vivre plus vieux et pour prévenir le cancer. On se pose la question, hein, et si la sauce piquante était un élixir de longévité, c'est ce que semblent penser des chercheurs néo-zélandais. Pour eux, manger piquant, c'est le secret d'une forme durable. Chaud devant, il va falloir muscler votre assiette. En effet, les bénéfices liés à une alimentation pimentée tendent à se confirmer. Ainsi, une nouvelle étude vient de confirmer que la sauce piquante peut être une alternative peu onéreuse et efficace pour prendre soin de vous. Comme le relate le magazine américain Time, des chercheurs néo-zélandais ont confirmé les enseignements d'une étude chinoise qui était parue à l'été 2015. À l'époque, les scientifiques avaient étudié de nombreux sujets et avaient constaté que ceux qui consommaient au moins 3 fois par semaine un condiment pimenté avaient plus de chances de vivre vieux que ceux qui n'en consommaient qu'une fois semaine. En cause, eh bien, la capsaïcine, un concentré actif présent dans les piments et qui a un fort pouvoir antioxydant ainsi qu'anti-inflammatoire. Ça dépend de par où ça peut inflammer ailleurs. Hein? Cette fois-ci, l'étude entend démontrer que la sauce piquante est également un allié du renouvellement cellulaire et pourrait aussi aider à prévenir les cancers. Donc, méthodologie des cellules cancéreuses comme cobayes. Afin de mieux comprendre l'action sur la capsaïcine, eh bien, les chercheurs ont observé des éléments cancéreux en laboratoire. Sur ces cellules malades, ils ont administré de la capsaïcine, et ont constaté que cette substance freinait leur développement. La théorie de ces scientifiques est que ce concentré actif présent dans les piments favoriserait un phénomène appelé l'apoptose, à savoir une mare, une mort cellulaire programmée, une sorte de suicide de la cellule. Globalement, tous les légumes sont bons dans la prévention de l'apparition des cellules cancéreuses. Toutefois, le piment offrirait des propriétés plus intéressantes quand il est accompagné, une fois n'est pas coutume, mais d'un peu de gras et s'il est cuisiné, haché, mixé, coupé. En effet, la capsaïcine est une molécule soluble dans le gras. C'est pourquoi mélanger du piment haché dans un peu d'huile, la recette de la sauce pimentée, est la meilleure façon de la consommer. Mais attention, avant de vous lâcher sur la bouteille de sauce piquante, toutes ne se valent pas. Comme toujours, il convient de bien lire les étiquettes pour veiller à ce que leur teneur en sel et en sucre ne dépasse pas la dose journalière recommandée. Et encore là, les chercheurs ont pensé à tout en nous donnant, selon eux, la composition idéale pour une sauce aux propriétés maximales. Du piment rouge, de l'huile, du vinaigre, un peu de sel et de l'ail. Alors pourquoi ne pas vous lancer vous-même dans la confection d'une bonne sauce pimenté. C'est sûrement dans ces conditions que vous serez le mieux apte et le mieux informé, hein, pour profiter des bienfaits du piment. Génial! Cet article, là, je vais me remettre à... Parce que j'en mange beaucoup de piment, mais j'ai comme arrêté un peu. Je me disais que ça me magane tellement à l'intérieur que je me disais que ça peut pas être nécessairement si bon pour la santé. Mais encore là, je sais pas. Hein, on va voir. Ici, par contre, vraiment bizarre, cet article là, qui était juste à côté de l'autre. Il nous disait la pomme de terre, un atout contre le cancer de l'estomac. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cestfou.ca.